calibré sans garantie. C'est le son des gratos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Si je vais te les armes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo Ramos. Sans garantie, c'est le son des gratos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Si je vais te les armes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo Ramos. Bah écoutez, je vais même prendre Bobiné. Propose à tes frères, partez à Bobiné. Notre compte est à temps, pendant que t'es en train de dîner. Ton euro se lave avant même que t'es fini. Va écouter, je vois même qu'on bobine. On vous en fait faire, parfait à bobine. On te demande ta chambre pendant que t'es en train de dîner. Me chauffer quand y'a du monde, tu vois le del. Je sais que mon argent peut attirer le gros boule de mademoiselle. Je fume tellement la peur, ne plus savoir comment je m'appelle. Je rajoute mon grain de sel, 1, 3, 5, c'est le cartel. Où je veux le GZ, où y'a un GZ. On veut le boule à Beyoncé et le coffrage à Jay-Z. Je suis en mode crazy, pas ça vient easy. Viens essayer de me la faire gros, que je te mette la fessée. Ouais, MC, c'est temps-ci, je suis bouillant comme Jaja. Je parle pas, j'agis, petite salope dégage. Écoute bien et sache que je suis mieux à l'ombre. Moins de choses à raconter, moins de gens à rencontrer. Au fait, n'essaie pas de savoir où je vis. Je te mets devant gros, moi je vais plus savoir où je vis. La rue m'a engagé à mis des choses de fada. Rien que sans pointer, quand je mettais mes Prada. Toi ton heure au radar, direction insiste. Passe la deuxième dérapage quand tu rentres dans la cité. Fais pas ci, fais pas ça. Le respect l'on a, le gaz que toi t'as déjà. Sur la mer, bleu turquoise, je me fais faire un massage. Envoie une main ça, je pense plus au passé. Je fais que me ressasser, parle de moi en mal, t'inquiète. Ensemble toi même tu sais un jour ou l'autre ça t'est. J'ai une boule aux artistes, mais que de poste à la artiste. Oh je suis fier de moi, c'est trop comme je l'ai traumatisé. Moi je suis la speed, la speed veut faire la bise. Me laisse repartir avec ma beuh et mon cannabis. Je fais de l'artiste et du sang qui t'évale pour les mecs en dol. Pour les gens qui ont peint qui se promènent l'hiver en temps. En temps, papa. C'est venu chercher ça rôle dans le noir comme des fantômes. C'est que tu fais l'album, tant demain j'arrête tout. Dieu m'a donné la force, quand demain il m'enlève tout. Vas-y que tu surbêtes, pour le pas te surbête. C'est moi qui a fait l'instru, c'est moi qui écris, c'est moi qui a pu suivre rec. Les petits tombes, avec la plaque pliée. Va que le sur la tombe, je remplis le sac de billets. Avec ton canon scié. Hier vous avez la pression, aujourd'hui vous en riez. Moi mon cœur c'est comme une arme, il peut s'enrayer. Si je leur montre ce que j'ai pu, je risquerai de les effrayer. J'ai pas bouffé de ça, sur mon oreille. Une heure qui me disait tout le continu, sans que ça va payer. Calibré, dans la mode, c'est le son des bratos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Si j'ai tracé les armes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo Ramos. Dans la mode, c'est le son des bratos. Dis-moi qui t'envoie un album gratos. Si j'ai tracé les armes comme Sergio Ramos. Tu veux du rap, du flow, amigo Ramos. Bah écoutez, je vois même qu'en bobiné. Représente les frères, Marseille à Bobigny. Ça te cambie ta jambe pendant que t'es en train de dîner. Ton euro se lave avant même que t'es fini. Je vais écouter, je vois même qu'en bobiné. Représente les frères, Marseille à Bobigny. Ça te cambie ta jambe pendant que t'es en train de dîner. Ton euro se lave avant même que t'es fini. Choo choo choo.